baisses les bras quand tout va mal. Tu désespères, tu doutes de toi, tu perds la foi. Crois seulement de tout ton cœur, crois seulement de toute ton âme. Si tu crois de tout ton cœur, tout est possible. Hey. Tu dois le croire. Tu dois le croire.